Marcel Proust, Impression de route en automobile, 1907. Arrivé à Caen. Parti de à une heure déjà assez avancée de l'après-midi, je n'avais pas de temps à perdre si je voulais arriver avant la nuit chez mes parents, à mi-chemin à peu près entre Lisieux et Louviers. À ma droite, à ma gauche, devant moi, le vitrage de l'automobile, que je gardais fermé, mettait pour ainsi dire sous verre la belle journée de septembre, que, même à l'air libre, on ne voyait qu'à travers une sorte de transparence. De plus loin qu'elle nous apercevait, sur la route où elle se tenait courbée, de vieilles maisons bancales couraient prestement au-devant de nous en nous tendant quelques roses fraîches où nous montraient avec fierté la jeune rose trémière qu'elles avaient élevée et qui, déjà, les dépassait de la taille. D'autres venaient appuyer tendrement sur un poirier que leur vieillesse aveugle avait l'illusion d'étayer encore, et le serrer contre leur cœur meurtri, où il avait immobilisé et incrusté à jamais l'irradiation chétive et passionnée de ses branches. Bientôt, la route tourna, et le talus qu'il abordait sur la droite s'étant abaissé, la plaine de Caen apparut, mais sans la ville qui, comprise pourtant dans l'étendue que j'avais sous les yeux, ne se laissait voir ni deviner à cause de l'éloignement. Seuls, s'élevant du niveau uniforme de la plaine et comme perdus en rase campagne, montaient vers le ciel les deux clochers de Saint-Étienne. Bientôt, nous en vîmes trois. Le clocher de Saint-Pierre les avait rejoints. Rapprochés en une triple aiguille montagneuse, ils apparaissaient comme, souvent, dans Turner, le monastère ou le manoir qui donne son nom au tableau, mais qui, au milieu de l'immense paysage de ciel, de végétation et d'eau, tient aussi peu de place, semble aussi épisodique et momentané que l'arc-en-ciel, la lumière de 5 heures du soir et la petite paysanne qui, au premier plan, trotte sur le chemin entre ses paniers. Les minutes passaient, nous allions vite, et pourtant les trois clochers étaient toujours seuls devant nous, comme des oiseaux posés sur la plaine, immobiles et qu'on distingue au soleil. Puis, l'éloignement se déchirant comme une brume qui dévoile, complète et dans ses détails, une forme invisible l'instant d'avant, les tours de la Trinité apparurent, ou plutôt une seule tour, tant elle cachait exactement l'autre derrière elle. Mais elle s'écarta, l'autre s'avança, et toutes deux s'alignèrent. Enfin, un clocher retardataire, celui de Saint-Sauveur, je suppose, vint par une volte hardie se placer en face d'elle. Maintenant, entre les clochers multipliés, et sur la pente desquelles on distinguait la lumière qu'à cette distance on voyait sourire, la ville, obéissant d'en bas à leur élan sans pouvoir y atteindre, développait d'aplomb et par montée verticale la fugue compliquée mais franche de ses toits. J'avais demandé au mécanicien de m'arrêter un instant devant les clochers de Saint-Étienne. Mais, me rappelant combien nous avions été si longs à nous en rapprocher, quand dès le début il paraissait si près, je tirai ma montre pour voir combien de minutes nous mettrions encore, quand l'automobile tourna et m'arrêta à leurs pieds. Resté si longtemps inapprochable à l'effort de notre machine qui semblait patiner vainement sur la route toujours à la même distance d'eux, c'est dans les dernières secondes seulement que la vitesse de tout le temps totalisé devenait appréciable. Et, géants, surplombant de toute leur hauteur, ils se jetèrent si rudement au-devant de nous que nous eûmes tout juste le temps d'arrêter pour ne pas nous heurter contre le porche. Nous poursuivîmes notre route. Nous avions déjà quitté Caen depuis longtemps, et la ville, après nous avoir accompagnés quelques secondes, avait disparu, que, restés seuls à l'horizon à nous regarder fuir, les deux clochers de Saint-Étienne et le clocher de Saint-Pierre agitaient encore en signe d'adieu leurs cimes ensoleillées. Parfois, l'un s'effaçait pour que les deux autres pussent nous apercevoir un instant encore. Bientôt, je n'en vis plus que deux. Puis ils virèrent une dernière fois dans la lumière comme deux pivots d'or et disparurent à mes yeux. Bien souvent, depuis, passant au soleil couché dans la plaine de Caen, je les ai revus, parfois de très loin, et qui n'étaient que comme deux fleurs peintes sur le ciel, au-dessus de la ligne basse des champs, parfois d'un peu plus près et déjà rattrapés par le clocher de Saint-Pierre, semblables aux trois jeunes filles d'une légende, abandonnées dans une solitude où tombait déjà l'obscurité. Et, tandis que je m'éloignais, je les voyais timidement chercher leur chemin, et, après quelques gauches essais et trébuchements maladroits de leurs nobles silhouettes, se serrer les uns contre les autres, glisser l'un derrière l'autre, ne plus faire sur le ciel encore rose qu'une seule forme noire, délicieuse et résignée, et s'effacer dans la nuit. Je commençais de désespérer d'arriver assez tôt à Lisieux pour être le soir même chez mes parents, qui, heureusement, n'étaient pas prévenus de mon arrivée, quand, vers l'heure du couchant, nous nous engageâmes sur une pente rapide, au bout de laquelle, dans la cuvette sanglante de soleil où nous descendions à toute vitesse, je vis Lisieux qui nous y avait précédés relever et disposer à la hâte ses maisons blessées, ses hautes cheminées teintées de pourpre. En un instant, tout avait repris sa place, et quand, quelques secondes plus tard, nous nous arrêtions au coin de la rue aux Fèvres, les vieilles maisons, dont les tiges fines de bois nervuré s'épanouissent à l'appui des croisées, en tête de saints ou de démons, semblaient ne pas avoir bougé depuis le XVe siècle. Un accident de machine nous força de rester jusqu'à la nuit tombante à Lisieux. Avant de partir, je voulus revoir à la cathédrale quelques-uns des feuillages dont parle Ruskin. Mais les faibles lumignons qui éclairaient les rues de la ville cessaient sur la place où la cathédrale était presque plongée dans l'obscurité. Je m'avançais pourtant, voulant au moins toucher de la main l'illustre futaie de pierre dont le porche est planté, et, entre les deux rangs si noblement taillés de laquelle défila peut-être la pompe nuptiale d'Henri II d'Angleterre et d'Éléonore de Guyenne. Mais, au moment où je m'approchais d'elle à tâtons, une subite clarté l'inonda. Tronc par tronc, les piliers sortirent de la nuit, détachant vivement en pleine lumière, sur un front d'ombre, le large modelé de leurs feuilles de pierre. C'était mon mécanicien, l'ingénieuse Agostinelli, qui, en voyant aux vieilles sculptures le salut du présent, dont la lumière ne servait plus qu'à mieux lire les leçons du passé, dirigeait successivement sur toutes les parties du porche, à mesure que je voulais les voir, les feux du phare de son automobile. Et quand je revins vers la voiture, je vis un groupe d'enfants que la curiosité avait amenés là, et qui, penchant sur le phare leur tête, dont les boucles palpitaient dans cette lumière surnaturelle, recomposaient ici, comme projetée de la cathédrale dans un rayon, la figuration angélique d'une nativité. Quand nous quittâmes Lisieux, il faisait nuit noire. Mon mécanicien avait revêtu une vaste mante de caoutchouc et coiffé une sorte de capuche qui, en serrant la plénitude de son jeune visage imberbe, le faisait ressembler, tandis que nous nous enfoncions de plus en plus vite dans la nuit, à quelques pèlerins, ou plutôt à quelques nonnes de la vitesse. De temps à autre, Sainte Cécile, improvisant sur un instrument plus immatériel encore, il touchait le clavier et tirait un des jeux de ses orgues cachés dans l'automobile et dont nous ne remarquons guère la musique, pourtant continue, qu'à ces changements de registre que sont les changements de vitesse. Musique pour ainsi dire abstraite, tout symbole et tout nombre, et qui fait penser à cette harmonie que produisent, dit-on, les sphères quand elles tournent dans l'éther. Mais la plupart du temps, il tenait seulement dans sa main sa roue de direction, qu'on appelle volant, assez semblable aux croix de consécration que tiennent les apôtres adossées aux colonnes du chœur dans la Sainte-Chapelle de Paris, à la croix de Saint-Benoît et en général à toute stylisation de la roue dans l'art du Moyen-Âge. Il ne paraissait pas s'en servir tant il restait immobile, mais il la tenait comme il l'aurait fait d'un symbole dont il convenait qu'il fût accompagné. Ainsi les saints, au porche des cathédrales, tiennent l'un une ancre, un autre une roue, une harpe, une faux, un gril, un corps de chasse, des pinceaux. Mais si ces attributs étaient généralement destinés à rappeler l'art dans lequel ils excellèrent de leur vivant, c'était aussi parfois l'image de l'instrument par quoi ils périrent. Puis, sur le volant de direction du jeune mécanicien qui me conduit, restait toujours le symbole de son talent plutôt que d'être la préfiguration de son supplice. Nous dûmes nous arrêter dans un village où je fus pendant quelques instants pour les habitants ce voyageur qui n'existait plus depuis les chemins de fer et que l'automobile a ressuscité. Celui à qui la servante, dans les tableaux flamands, verse le coup de l'étrier, qu'on voit dans les paysages de Cuypes, s'arrêtant pour demander son chemin, comme dit Ruskin, à un passant dont l'aspect seul semble indiquer qu'il est incapable de le renseigner, et qui, dans les fables de La Fontaine, chevauche au soleil et au vent, couvert d'un chaud balandrin à l'entrée de l'automne. Quand la précaution au voyageur est bonne, ce cavalier, qui n'existe plus guère aujourd'hui dans la réalité, et que pourtant nous apercevons encore quelquefois, galopant à marée basse au bord de la mer quand le soleil se couche, sorti sans doute du passé à la faveur des ombres du soir, faisant du paysage de mer que nous avons sous les yeux une marine qu'il date et qu'il signe, petit personnage qui semble ajouté par Lingelbach, Wouvermans ou Adrien van de Velde, pour satisfaire le goût d'anecdotes et de figures des riches marchands de Harlem, amateurs de peinture, à une plage de Guillaume van de Velde ou de Ruiz Dael. Mais surtout, de ce voyageur, ce que l'automobile nous a rendu de plus précieux, c'est cette admirable indépendance qui le faisait partir à l'heure qu'il voulait et s'arrêter où il lui plaisait. Tous ceux-là me comprendront que, parfois, le vent, en passant, a soudain touché du désir irrésistible de fuir avec lui, jusqu'à la mer où ils pourront voir, au lieu des inertes pavés du village, vainement cinglés par la tempête, les flots soulevés lui rendre coup pour coup et rumeur pour rumeur. Tous ceux, surtout, qui savent ce que peut être, certains soirs, l'appréhension de s'enfermer avec sa peine pour toute la nuit, tous ceux qui connaissent quelle allégresse c'est, après avoir lutté longtemps contre son angoisse et comme on commençait à monter vers sa chambre en étouffant les battements de son cœur, de pouvoir s'arrêter et se dire « Eh bien non, je ne monterai pas, qu'on selle le cheval, qu'on apprête l'automobile. » Et toute la nuit de fuir, laissant derrière soi les villages où notre peine nous eût étouffés, où nous la devinons sous chaque petit toit qui dort, tandis que nous passons à toute vitesse sans être reconnus d'elle, hors de ses atteintes. Mais l'automobile s'est arrêtée au coin d'un chemin creux, devant une porte feutrée d'iris défleuris et de roses. Nous étions arrivés à la demeure de mes parents. Le mécanicien donne de la trompe pour que le jardinier vienne nous ouvrir. Cette trompe, dont le son nous déplaît par sa stridence et sa monotonie, mais qui pourtant, comme toute matière, peut devenir beau s'il s'imprègne d'un sentiment. Au cœur de mes parents, il a retenti joyeusement comme une parole inespérée. Il me semble que j'ai entendu, Mais alors, ce ne peut être que lui. Il se lève, allume une bougie tout en la protégeant contre le vent de la porte qu'ils ont déjà ouverte dans leur impatience. Tandis qu'au bas du parc, la trompe, dont ils ne peuvent plus méconnaître le son devenu joyeux, presque humain, ne cesse plus de jeter son appel uniforme comme l'idée fixe de leur joie prochaine, pressante et répétée comme leur anxiété grandissante. Et je songeais que dans Tristan et Isolde, au deuxième acte d'abord, quand Isolde agite son écharpe comme un signal, au troisième acte ensuite, à l'arrivée de la nef, c'est, la première fois, à la redite stridente, indéfinie et de plus en plus rapide de deux notes, dont la succession est quelquefois produite par le hasard dans le monde inorganisé des bruits, c'est, la deuxième fois, au chalumeau d'un pauvre pâtre, à l'intensité croissante, à l'insatiable monotonie de sa maigre chanson, que Wagner, par une apparente et géniale abdication de sa puissance créatrice, a confié l'expression de la plus prodigieuse attente de félicité qui ait jamais rempli l'âme humaine.